bien bonjour, chers auditeurs de Fadjet, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires du groupe solidaire actif de l'association Arélia. Alors ce mois-ci, pour juillet, on va concocter quelques belles chroniques. Les membres sont là, les chroniqueurs sont là. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Lionel, bonjour Radio Fadjet. Bonjour Bertrand. Bonjour Lionel. Et bonjour Françoise. Bonjour Lionel. Alors, on va commencer tout de suite cette émission où on va parler surtout de choses qui vont se dérouler à Nancy pendant tout l'été. Hein. C'est l'été, on va en profiter quand même un peu. Le soleil est revenu, donc on en profite un maximum. Allez, jingle, c'est parti. Et on va commencer notre émission avec Alain. Alain, alors tu vas continuer la série, le feuilleton, le Lopa de Léo, où tu participes depuis maintenant 4-5 mois. Dis-nous où vous en êtes dans cette belle initiative. Bonjour les auditeurs et les passionnés du Lopa de Léo. Nous avons repris nos activités de jardinage avec un temps incertain, car il n'y a plus assez souvent. La terre était assez détrempée et collante. On a fait le butage des pommes de terre pour protéger les pousses. Nous avons planté des replants d'artichauts espacés de 50 cm. Nous avons replanté aussi des petits marrons, c'est-à-dire des petits citrouilles. Nous avons mis des plaques de carton par terre pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. On a mis une petite couche de terre dessus et l'humidité va les faire pourrir jusqu'à la fin de l'année. Une bonne résolution pour le pénible travail du jardinier. Nous avons découvert des astuces pour améliorer le travail du jardinier. Nous sommes heureux d'avoir passé une après-midi ensemble. Le jardin commence à prendre une belle allure. Ça fait plaisir à tout le monde. Le petit lutin des bonnes nouvelles. Je voulais te demander, c'est quoi buter les pommes de terre? Je vais faire comme une petite montagne. Ouais. Tu pourras en plus, comme ça, quand la tige monte en hauteur, elle risque de se casser par le vent. D'accord. Et le carton que vous avez mis? Le carton qu'on a mis, pour protéger déjà des insectes. D'accord. Hein, et des mauvaises herbes. Elles vont pousser un peu, et comme elles vont pour grimper, elles vont mourir. Elles vont étouffer, d'accord. C'est un produit, il n'y a pas de produit chimique, c'est naturel. D'accord. Et le carton, tu le laisses moisir, pourrir? Le carton, petit à petit, il va se détruire par lui-même, ouais. Et ça fera de l'engrais. D'accord. Ah ben voilà deux bonnes idées que je ne connaissais pas. Merci Alain pour ta chronique. Allez, on continue avec Bertrand. Alors Bertrand, toi, tu nous parles d'expressions courantes dont on ne sait jamais d'où ça vient, ni même qui en sont les auteurs. Donc on va lancer une petite rubrique expressions courantes, signification ou auteur. Et tu nous en as préparé deux pour cette émission. Vas-y, à toi. Oui, alors l'autre jour, c'était une période d'élection, on va dire, et donc la conversation a tourné sur les élections. Ça ne sert pas à grand-chose, et ainsi de suite, voilà. Et donc, de là est venue une fameuse expression, qui me paraissait assez connue. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Et donc, cette expression est attribuée généralement à Coluche, la plupart du temps. Et un membre a dit non, pas du tout, c'est pas Coluche, c'est Renault. Donc j'ai fait des petites recherches et bon, a priori, d'après Alain, Internet, ça serait bien de Coluche. Alors, parce que Coluche est mort en 86 et Renault a effectivement fait une chanson en 94 dans l'album À la belle de mai. Ouais. La chanson c'est quand qu'on va où. Ouais, c'est ça. Et donc dedans, il disait si les élections, ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ouais. Alors, Coluche ou Renault, on ne sait pas trop, mais a priori, ça serait peut-être avantage Coluche, puisqu'il est mort en 86, donc avant la chanson de Renault. Ouais. Alors, maintenant, il y a un membre qui est fanatique de Coluche qui a cherché pour moi dans tous ces... Mais j'ai moi-même un peu cherché. Ouais. On ne trouve absolument pas. Il n'y a aucun sketch de Coluche qui prend cette... Donc, cette phrase de Coluche aurait été donnée au cours d'une interview ou de quelque chose, mais parce que Coluche a raconté... Mais pas dans un sketch. Pas dans un sketch, aucun, jamais. D'accord, ok. Il y en a même qui pensaient que c'était Antoine de Saint-Exupéry. Mais il a dit plein de belles choses, mais... Ah oui, maintenant... Pas ça. Mais comme les beaux esprits se rencontrent souvent, voilà. De toute façon, voilà. C'est ça. Tu avais une deuxième expression à nous parler. Alors, la deuxième expression, c'était l'autre jour, on se promenait tout simplement et il y avait donc le petit chien de Yannick qui ne respectait pas les chemins. Et puis, on trouvait des petits chemins tracés comme ça sur l'herbe qui n'étaient pas prévus, a priori. Et puis, il s'est dit, tiens, en fait, comment ça s'appelle, ces petits chemins, machin. Donc, a priori, les urbanistes appellent ça une ligne de désir. Oh oh. Alors, c'est la traduction directe d'un mot anglais, « desire line ». Ouais. Donc, en fait, « désir », c'est pas vraiment, c'est plutôt l'envie qui devrait être traduit par « envie », parce qu'en fait, les gens passent par là où ça leur plaît, là où ils ont envie, quoi. Et donc, à force, ça finit par faire des petits sentiers, des petits chemins qui finissent par la végétation, forcément, les pelouses, etc. Et donc, les urbanistes, surtout, ont beaucoup étudié ce phénomène, et notamment dans une université, le campus de l'université de l'Ohio. Quand ils ont fait leur campus, ils ont décidé de ne pas tracer de chemin. Il y a entièrement couvert de pelouses tout autour, et ils ont attendu que les étudiants passent, cheminent. Ils ont ensuite fait une vue aérienne, et c'est seulement à partir de la vue aérienne, avec tous les chemins tracés, qu'ils ont pavé les endroits qu'il y avait. Et maintenant, c'est amusant, quand on voit il y a des beaux pavages, et les pelouses entre les différentes allées sont nickel, personne ne traverse à côté. Et donc les gens ont, voilà. Et donc autrement, je voulais dire simplement qu'il existait autrefois pour ces petits tracés des mots français qui n'existaient. Donc on parlait d'une sente, autrefois, qui était un petit chemin, petit sentier, donc non carrossable évidemment, mais vraiment pour prendre à pied. Donc on parlait d'une sente, tout simplement. Et il y a également l'expression d'une coulée. Les passages répétés du gibier en forêt, par exemple, font une trace, qui est donc un chemin du désir, tout simplement. Ouais. Et en termes forestiers, ça s'appelle une coulée. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai que quand on se promène, par exemple, sur les bords de la Meurthe, on arrive, il y a de l'herbe, et on voit d'un seul coup un petit sentier. On se dit, tiens, on va y aller, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont déjà passées. Et à force, comme tu dis, ça devient presque un chemin naturel où tout le monde finit par passer. Les urbanistes ont décidé de donner un nom à ce petit tracé. Ça s'appelle donc une ligne de désir ou chemin du désir. Voilà, maintenant vous saurez, chers auditeurs, que quand on se promène un peu n'importe où, on trace la ligne du désir. C'est quand même pas beau. Et on va revenir sur ta précédente expression dans le cadre de notre première pause musicale. Et on va justement écouter Renaud avec sa chanson « C'est quand qu'on va où ?» Et on se retrouve juste après. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, il est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? « L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Ben, maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Eh bien, après cette superbe chanson de Renaud, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission des bons plans solidaires, toujours avec la Dream Team de l'émission des BPS de l'association Arelia. On va poursuivre notre émission maintenant avec une chronique cinéma. Ah, celle-là, on l'attend depuis longtemps. Françoise, tu vas régulièrement au cinéma. Tu as retenu un film, qui t'a plu ce mois-ci. Alors vas-y, c'est à toi. Bonjour. Je vais vous parler du film Le réalisateur de Christine Payard, Chat de Genouga. Le titre du film Pourquoi tu souris? Wizzy est en galère, il débarque à Bordeaux dans l'espoir de trouver un boulot et croise la route de Marina, une humanitaire du grand cœur. Pour se faire héberger chez elle, il prétend être sans papier. Un soir, il rencontre Jérôme lui-même. Donc, c'est un film humoristique. Comédie rigolote. C'est une comédie rigolote que tu as été voir. Donc, il y a des acteurs pas très connus. Hein, ce n'est pas des grands noms, mais c'est des acteurs qu'on commence à voir percer dans pas mal de films. C'est ça. Ouais. Et donc, toi, ce qui t'a plu, c'est la bonne humeur. La bonne humeur, la rigolade. Ouais. Il est encore à l'affiche? Il est encore à l'affiche. D'accord. Donc, on invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour au ciné, à aller voir ce film-là. Tu nous rappelles le titre? Pourquoi tu souris? Pourquoi tu souris? Eh bien, vous le saurez en allant le voir. Alors, on retrouve maintenant Bertrand. Bertrand qui nous fait toujours des petites chroniques habituellement sur la conso. Et là, on a eu une longue discussion quand il a préparé ses chroniques. On s'est dit, on écoute beaucoup de musique. Fadjed, d'ailleurs, diffuse beaucoup de musique pendant ses émissions. Et on a tous entendu parler de la SACEM. Et donc, on voulait savoir un petit peu ce qu'était la SACEM. Et Bertrand, tu t'es penché sur le dossier. À toi. Donc la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est un organisme d'État finalement qui récolte les fonds pour redistribuer aux auteurs et compositeurs et ainsi de suite. Tous les diffuseurs de musique payent une taxe en fonction de ce qu'ils diffusent, qui est donc après redistribuée aux artistes. Mais alors, ce qui est une petite surprise qui a été ces dernières années faite auprès des particuliers, qui ont été extrêmement surpris. Alors donc, la redevance TV avait été supprimée en 2022. Oui. Ce qui était une très bonne chose, c'était une mesure en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Oui, tout à fait. Mais en contrepartie, les fonds étaient donc forcément en baisse pour l'État, notamment dans le domaine audiovisuel et ainsi de suite. Et alors les particuliers qui louent ou mettent en location des chambres, à destination notamment des touristes, ont eu l'extrême mauvaise surprise de recevoir un petit courrier de la SACEM les invitant à payer une redevance annuelle intitulée « Redevance hébergement touristique » avec quand même une petite remise de 20% s'ils anticipaient la démarche et autrement, s'ils n'anticipent pas la démarche et que la SACEM doit les contrôler et les verbaliser, à ce moment-là, ils peuvent avoir une amende. Donc évidemment, plus forte que la taxe à payer, et l'amende peut aller jusqu'à 300 000 euros. Alors évidemment, il y a un particulier qui s'est dit, il n'y a pas de raison que... Donc alors, il faut savoir que cette redevance est due à partir du moment où vous mettez à disposition un appareil de réception dans une location de vacances, ouais. Donc que ce soit une téléviseur, radio, n'importe quoi. Accès à Internet. Accès à Internet et ainsi de suite. Alors que la radio en elle-même qui diffuse a déjà payé les droits à la SACEM. Donc le simple fait de pouvoir l'écouter maintenant, c'est considéré comme mise à disposition du public possibilité de recevoir. Et donc vous devez cette taxe. Bon, elle n'est pas excessivement élevée puisqu'elle est quand même de 223,97 euros par location mise à disposition pour l'année. Alors, une question. J'ai un appartement, j'ai une maison, et dans ma maison, je loue deux Airbnb. Et pour faire plaisir aux touristes, je mets une télé dans chaque appartement. Je vais payer une taxe ou deux taxes ? Deux taxes. Exactement comme pour les hôtels. Pour les hôtels, c'est pas l'hôtel qui paye une taxe pour tout l'hôtel, c'est chaque chambre d'hôtel paye la taxe. Waouh! Alors maintenant, il y a en fonction de la taille de l'hôtel, si vous avez 10 chambres sans chambre, il y a peut-être un petit tarif dégressif, un forfait et ainsi de suite. Mais de toute façon, non, c'est chaque chambre, chaque appareil paye son. D'accord. Donc maintenant, si on loue un Airbnb et ainsi de suite, qui n'y a pas dans la chambre louée d'appareil, pas de taxe. Si le gars vient. J'en sais rien, il vient dans mon salon pour écouter la radio, parce que vous regardez une émission de télévision avec moi et ainsi de suite, il n'y a pas de raison. Moi, je ne paye pas la taxe, il ne la paiera pas non plus. D'accord. Mais à partir du moment où il a sa chambre indépendante et que je lui mets à disposition une radio, une télévision, n'importe quoi, paf, la taxe. Mais si toi, tu t'en vas de ta maison pour louer, là, c'est les Jeux Olympiques, il y a plein de Parisiens qui vont quitter le mois d'août Paris pour louer leur petit appart, là, ils seront redevables de cette taxe. Voilà, forfait annuel, 223 euros. D'accord. Je comprends pourquoi dans les campings, tout au début des locations de mobil-home, dans les campings, il y avait souvent des télés. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. C'est peut-être un lien. Ah bah voilà. Certainement, oui. Ah ouais. D'accord. Non, il faut venir avec sa propre... Si le gars vient avec sa radio ou sa télévision, à ce moment-là, il n'y a pas de taxe. Mais autrement, si, il y a une taxe. D'accord. Dès qu'il y a mise à disposition, taxe. Taxe. Une autre question que je voulais te demander. Quand on fait un grand anniversaire, on invite 100 personnes et que on fait un DJ et qu'on met de la musique, on a aussi une redevance à la SACEM à faire, même si c'est privé, à partir d'un certain nombre de personnes. En principe, je ne crois pas, puisque c'est privé. C'est-à-dire que si c'est privé sur invitation avec... Si c'est pas accessible au public, non. Ils vont s'enrichir, la SACEM. Ils me brassent des sommes considérables. Hein, passe le bonjour à Jean-Yves D'Angelo qui vient d'être nommé à la SACEM. Eh bien, écoute, merci Bertrand pour cette chronique, comme quoi on en apprend tous les jours, on nous enlève un impôt et on nous en remet un autre. C'est une bonne idée. On a surtout pensé à celle qu'on nous avait enlevée. On n'a pas trop pensé à celle qu'on nous a rajoutée. D'accord. Là-dessus, ça va être chaud, l'été. Et on va passer à notre deuxième pause musicale, un vieux succès des années 70 d'Éric Charnen qui s'appelle « L'été sera chaud, cette circonstance » et qui a été remixé par DJ Tosh. Allez, on y va, « L'été sera chaud ». Même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. We'll be right back. je vais plonger. Où vais-je aller? La rencontrer. Je peux pas lutter. Je sais pas danser. Ah, je peux vous dire que l'été sera chaud. A été très très chaud dans le studio. Oui. Tout le monde a lâché les chaises et tout le monde dansait. Oui. En chantant hé hé et ho ho. Voilà. Bon, troisième partie de notre émission. On trouve la Dream Team. Et on va retrouver une nouvelle fois Françoise qui va nous parler de sa rubrique. Alors, ça, écoutez tous bien, mais vous êtes peut-être déjà informés. Fadjet en fait la promotion régulièrement. Il va y avoir toute une série de ciné-plein air à Nancy qui a déjà démarré depuis fin juin et qui va continuer jusque fin août. À toi, Françoise. Avis à tous les amateurs de cinéma comme moi. Face au succès de deux séances de cinéma en plein air proposées l'an dernier, la ville de Nancy remet le couvert cet été et amplifie le nombre de rendez-vous. Il y aura en effet 7 séances de films en plein air cet été. Mystère, le 12 juillet, placé de la place de la 2e division d'infanterie, Colonial, dans le quartier où sont villes. Animation prévue à partir de 15h30. Le film sera diffusé à 21h. Voici le reste du programme. Plage des Deux Rives, le vendredi 19 juillet à 22h15, Invictus. Invictus. Invictus. Vous vous rappelez du film ? C'est l'histoire de l'équipe d'Afrique du Sud, au temps de Mandela, qui est devenue championne du monde de rugby. Et où Mandela a réuni pour la première fois les Noirs et les Blancs pour faire une équipe. Et c'était une aventure fabuleuse. Super film. Rigoler. École Boutonnemont, ouais. Le mercredi 24 juillet à 21h30, Linda veut du poulet. C'est original. Il y aura peut-être un stand de frites. École Boutonnemont, le 25 juillet à 21h30, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Ah ouais, ça c'est le dernier qui vient de sortir, il est super. Et Parc Orly, samedi 27 juillet, 21h30, Barbie. Ça c'est pour Parc les fans. Parc Orly, le dimanche 28 juillet, 21h30, Wild Side Story. Bon. Wild Side Story, ça c'est un film culte, mythique. Plage des Deux Rives, le vendredi 23 août, 21h30, Campenone. Campeones. Bon, Campeones. Champion. Bon. Vous pourrez aussi aller voir au City Stade Wester, à Chambœuf. Schweitzer, à Charles-Beuf, à Laxou, le vendredi 23 août, 21h, Super Mario Bros. Ouais. Mais aussi à l'espace de Claudie Aigneret, les provinces, Laxou, vendredi 30 août, à 20h45, Ruby, Lado, Kraken. à la MGC Audulièvre, Nancy, vendredi 18 juillet 21h30, Kung Fu Panda 1. Kung Fu, oh. Kung Fu, oh. Panda 1. Il y a aussi à Jarville un lien avec Fagel, des soirées d'animation, et ensuite des projections de films en plein air, même un ciné-musique en plein air, avec un film muet de Buster Keaton. Alors, Buster Keaton. Buster Keaton. Le ciné comme ça, musique, vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu? Non. Donc, c'est en fait, c'est un film muet qui est diffusé sur un grand écran. Et il y a des musiciens qui sont devant l'écran et qui jouent de la musique. C'est vraiment super. Si vous n'avez jamais vu ça, allez-y, vous allez passer une super soirée. Sherlock Junior, accompagné par des musiciens. Pour Sherlock Junior, ce sera au square des Cordeliers du 19 juillet à partir de 19h. D'autres soirées ciné plein air auront lieu à Jarville à partir de 18h. Le vendredi 26 juillet à 4 bis rue Jean-Philippe Rameau, devant l'espace de Françoise Chemardin. Vendredi 16 août, école Louis Marjorelle 30, avenue de la Malgrange. Vendredi 23 août, 15 rue François Évrard. Et rendez-vous aussi au village et festivités, 15 rue Marshall Foch, le 30 août, à partir de 20h, pour une grande soirée karaoké. Toutes ces séances de cinéma en plein air et animation sont accessibles gratuitement. Il y aura souvent avant les projections des animations dans le cadre des opérations quartier en fête ou festivités. N'arrivez pas trop tard. Avec tout ça, vous allez passer un super été. Ah ouais, là, ça vaut le coup. Hein. Plus d'une, quasiment une vingtaine de projections de ciné plein air sur tout Nancy et l'Aglo pendant tout cet été. Ça va vraiment vouloir le coup d'aller faire un petit tour. En plus, il y a plein d'animations. Les associations du quartier font des petits karaokés, font des petites choses comme ça, super sympa. Il y a des enfants qui ont préparé des petites animations. Il y a des goûters pour les pios. Donc, faut y aller tôt. Et vous allez voir que vous avez passé un super été ciné. Merci, Françoise. Merci. Alors, ben, c'est l'heure de faire un peu le récapitulatif des grands moments de cet été à Nancy. Alors, si vous avez écouté Fadjet souvent, vous le savez aussi, puisque Fadjet propose toujours ses rubriques, les manifestations à Nancy et pas très loin de Nancy. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a toutes les opérations, ben, je le cite à l'instant, les quartiers en fête. Il y aura les Gaguettes qui vont faire un succès phénoménal encore cette année. Il y a le Nancy Plage, évidemment. Il y a les puces de la vieille ville, les troisièmes dimanches de chaque mois, donc dans la Grand Rue. Il y a les dimanches au kiosque à Ludre. C'est des concerts tout l'été, les dimanches à 16h. Donc du rock, de la variété, du latino, bref, des concerts pour tous les goûts. Les ciné plein air que Françoise vient de nous dire à l'instant. Festivité à Jarville au mois de juillet. Les deux rendez-vous de l'été à Maxéville. L'Oberla musique électronique. Alors là, c'est pendant le mois d'août. Si vous aimez la musique électronique, vous allez vous régaler. La fête du nautisme, comme tous les ans, au plan d'eau de la Méchelle. Ça, c'est en août. Le grand déballage des vitrines de Nancy, c'est le 7 septembre, où c'est une grande journée de braderie. La fête des vendanges, toujours le 7 au château de Madame de Graffigny à Villers. Le Rock'n'Book, célèbre, toujours le 7 septembre aux brasseries de Maxéville, avec des producteurs locaux de bière et des concerts rock pendant deux jours. Et enfin, le week-end du 13 septembre, le célébrissime Livre sur la place, avec de belles surprises cette année. Chasseurs d'autographes et amoureux de la lecture, ne ratez surtout pas l'événement. Pour en voir bien plus encore, parce que vraiment cette année c'est très riche sur Nancy, une seule adresse sur internet, vous pouvez aller soit sur Fadjet, vous aurez plein d'infos, ou alors sur le site de la ville de Nancy.fr et vous allez à la rubrique brochure été 2024. Vous pouvez aussi la consulter à l'office de tourisme Place Stanislas et sinon en allant dans vos mairies et dans vos mairies de quartier. Avec tout ça, un bel été à tous! Alors, on arrive à la fin de notre émission, enfin presque. C'est l'heure du jeu des célébrités. Donc, des célébrités qui sont nées au mois de juillet. Je vous vois trépigner d'impatience. On va commencer tout de suite. Attention, je suis né à Castelsarrasin le 9 juillet 1934. Je viens d'avoir 90 ans. Je suis un auteur, compositeur, interprète français. J'ai été connu et reconnu dans les années 60 pour des chansons rigolotes. J'ai fait une grande carrière à l'étranger aussi. Je continue encore à chanter occasionnellement. Pendant l'été, vous savez bien que les enfants vont en colonie de vacances. Ah, Henri Dess. Non, Pierre Perret. Pierre Perret, ah. Bravo Alain. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaïdi, Aïdia. Je suis né le 3 juillet 1944 à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Notre invité mystère, qui fête son anniversaire, donc, vient d'avoir 80 ans. C'est un chanteur français. Ah. Son papa était pianiste, classique, très talentueux, mais malheureusement peu célèbre. À 12 ans, il apprend le piano, il se met ensuite à la guitare, il commence à faire des chansons lui-même et monte sur scène. Il est repéré à l'époque, comme tout le monde, par Eddie Barclay. Il signe dans la maison Barclay et il commence ses chansons et a tout de suite un grand, grand, grand succès. Si je vous dis le bal des Laz, si je vous dis qu'on ira tous au paradis. Si Polnareff vous... Oui, Michel Polnareff. Ah, bravo Patrick. On ira tous au paradis. Je suis une femme. Le 10 juillet 1928 à Nieppe, dans le Nord, je viens d'avoir 94 ans, 94 pour nos amis belges. Je suis issu d'une famille très modeste dans le Nord, et puis je rencontre un jour, en faisant un télécrochet, un musicien qui est chef d'orchestre, qui va m'amener à Paris et qui va me... Lynn Renault. Oui, bravo. Lynn Renault. Loulou Gastet. Et le Loulou Gastet, bien connu. Très bien. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle from Armentières. Je suis né le 3 juillet 1942 à Paris. Je viens donc d'avoir 82 ans. Je suis né dans un quartier de Belleville, un quartier populaire. J'ai comme ami, en toute simplicité, Johnny Hallyday, Dick Rivers, puis je vais, et Jacques Dutronc, puis je vais aller, comme tout le monde, tous les jeunes qui cherchent à faire de la musique, je vais dans les bars chanter à la guitare du Georges Brassens, et puis après je vais découvrir le Golfe de Rouault, où je vais devenir célèbre, et depuis je deviendrai une star. Eddie Mitchell, peut-être. Eddie Mitchell, bravo Bertrand. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Allez, la dernière pour la route. Je suis né, donc je suis une femme. Bien. Le 10 juillet 1992. À Martigues. Dans les Bouches-du-Rhône. Et je viens donc d'avoir 32 ans. Notre invité étudie l'histoire de l'art à Aix, en Provence, tout en travaillant dans une pizzeria. Elle commence à écrire, à composer. Elle est donc auteure-compositrice-interprète. Elle démarre sa carrière en 2010 avec des groupes plutôt rock, puis en duo avec un compagnon qui lui aussi est auteur-compositeur. Elle ne fait pas un grand succès. Elle va faire ensuite, mais elle fait quand même des petites premières parties intéressantes, puisqu'elle veut jouer en première partie d'artistes bien reconnus comme Benjamin Biolay ou Raphaël. Sa carrière explose d'un seul coup en 2018-2019, où elle a des prix, où elle a des disques d'or, etc., avec son tube La Grenade. Vous allez me dire que c'est... Clara Luciani. Oui, bravo Patrick, Clara Luciani. Eh bien, voilà, notre émission se termine. Toute l'équipe de la Dream Team va vous souhaiter un bel été. Patrick, bel été à toi. On va essayer. Bel été, Alain. À tout le monde aussi. Bel été, Bertrand. Merci à tout le monde aussi, pareil. Et bel été à toi, Françoise. À tout le monde. Oui, à tout le monde. C'est ce qu'on vous souhaite. Qu'il y ait du soleil sur Nancy. Et des nanas. Voilà. Je dirais pas jusque-là. Et de la Java. Et de la Java. Allez danser. Portez-vous bien. À bientôt. On se retrouve en septembre. Ciao, bye bye. Faites-vous bien bronzer.